est présenté grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulézard.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% au restaurant Pub Le Dorsay, 65 rue de Buade à Québec. dorsayrestaurant.com. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Le Pied Bleu, bouchon québécois d'inspiration lyonnaise, c'est la cuisine traditionnelle française qui vous offre cochonaille, abats et tripes dans une formule gargantuesque. Le Renard et la Chouette, café et buvette, c'est une cuisine contemporaine suivant les saisons. Petits et gros plats à partager axés sur les légumes et les poissons. Deux lieux, même convivialité. Le Pied Bleu et le Renard et la Chouette, 179 et 125 rue Saint-Vallier-Ouest, 88 914 35 54. Menu sur piedbleu.com. En tant que bénévole pour l'opération Nez Rouge, on a déjà... Cherché la rue Montmagny pour finalement se ramasser dans la ville de Montmagny. Chanter dans un resto pour réveiller une cliente. Trouver une maison avec une télécommande de garage. Aider le monsieur qui, à mi-chemin, s'est rendu compte qu'il avait oublié sa femme. Peu importe ce qui arrive, ça fait toujours des soirées mémorables. Ça finit toujours bien. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. De Noël la semaine prochaine pour vous. Donc, soyez à l'écoute. Revue de l'année, notamment, et autres surprises aussi pour vous à cette occasion-là. De nombreux de nos collaborateurs seront aussi parmi nous lors de cette émission-là. Donc, soyez à l'écoute. Peut-être même une petite surprise à gagner. Donc, il faut être là mardi prochain à 17h30. Mais aujourd'hui, en première partie d'émission, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Ariane Plante, comme du mois multi qui aura lieu au mois de février prochain, et on va justement parler des spectacles qui ont été annoncés dernièrement, donc le 1er décembre dernier. Par la suite, en seconde moitié d'émission, je vais recevoir deux collaboratrices qui vont nous parler à la fois d'une exposition, mais aussi d'une œuvre d'art publique qui a été installée là au mois de novembre. Donc, en premier lieu, je recevrai Annie-Charlotte Thibodeau qui va venir nous parler de Cité Bidon de Karine Giboulot, qui est présentement à l'affiche au Musée de la Civilisation de Québec. Et également, je recevrai Andréane Lesage qui va nous en dire plus sur l'œuvre Les Attracteurs d'André Dubois qu'on peut apercevoir dans le parc Saint-Roch notamment et sur le parvis de l'église aussi Saint-Roch depuis le mois de novembre approximativement. Donc, on va parler de tout ça ensemble aujourd'hui. Vous rappelez que vous pouvez écouter l'émission en balado-diffusion, également aussi voir les actualités en art visuel, le calendrier des événements et bien sûr des billets publiés par nos collaborateurs et la sélection audio de Simon Roy. Tout ça est disponible sur notre page l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com ou bien même notre page Facebook. Donc, on va prendre une toute petite pause audio, le temps de vous aussi parler de la sélection que Simon Roy nous a préparée cette semaine. C'est 73 et l'album Corruptible. On va écouter l'extrait Black and White. Thank you. Alors, j'ai le plaisir d'avoir devant moi Ariane Plante. Bonsoir, Ariane. Bonsoir. Alors, tu es commissaire du Mois Multi, qui est en fait maintenant rendu une institution quasiment comme événement à Québec. Ça fait déjà de nombreuses années, quasiment une quinzaine d'années, si c'est pas plus. Le festival, il va être à sa 17e édition cette année. Donc, il est là depuis 2000. Donc, en 2016, 17e édition. Donc, c'est effectivement, je pense que j'avais raison de dire que ça fait quand même un bon moment qu'on une institution à Québec, parce que c'est vraiment tous les mois février qu'on a l'occasion d'assister à ce festival d'art multidisciplinaire, électronique aussi. Mm-hmm. Et donc, en septembre dernier, on apprenait donc ta nomination. J'étais curieuse aussi de savoir, parce qu'en même temps, c'est pas ta première collaboration avec le Mois Multi. Non, moi, j'ai collaboré au Mois Multi depuis... Je collabore avec eux depuis 2009. J'ai fait toutes sortes de mandats, adjointe à la coordination, j'ai coordonné le festival, j'ai fait des communications, j'ai fait un petit commissariat au cabaret audio en 2012, donc pour les cabarets audio. Donc c'est ça, j'étais dans l'environnement proche là, du Mois Multi depuis plusieurs années. Et puis, je pense que d'habitude, c'est accompagné, ça, ce mandat-là de commissaire, ça dure sur quelques années, hein, quand même. C'est ça, c'est un mandat de 3 ans à la base qui peut être bonifié d'un an. Bon, voilà. Mais c'est à la base, je suis là normalement pour 3 ans. Okay. Je succède à Viviane Paradis qui était là pour 3 ans, mais qui a fait 4 ans. Mm-hmm. Donc, c'est un nouveau mandat. Puis après moi, il y aura une nouvelle personne qui prendra les rênes pour un autre 3 années. Donc, c'est ça. Puis au cours de cet événement-là, il y a en quelque sorte un grand axe de réflexion, une orientation que tu souhaitais donner, je pense, à ces prochaines éditions-là qui vont être sous ta gouverne. Oui, c'est souvent les commissaires. Bon, un commissaire, ça programme un événement ou une manifestation artistique. C'est un terme qu'on retrouve surtout en art visuel, mm-hmm. mais aussi en danse, je crois, si je me trompe pas. Donc, l'idée, c'est de regrouper des œuvres autour soit d'un axe thématique ou d'une réflexion artistique et de réfléchir aussi leur mise en espace puis leur cohabitation dans les lieux où on les présente. Donc, moi, j'avais pas envie de travailler avec une thématique par année, donc avoir comme seulement une édition pour explorer un thème puis le passer à un autre thème. J'avais envie que ce soit pas contraignant, parce que souvent, j'avais envie de pouvoir choisir des œuvres qui coûtent cœur ou qui me plaisent vraiment, mm-hmm. et non pas dire « Ah, ben je vais choisir plutôt celle-là au détriment de celle-là, puisque elle cadre mieux dans la thématique ». Donc, je voulais quelque chose d'assez large, puis j'ai décidé d'explorer sur 3 ans l'idée du réenchantement du monde. Mmh. Donc, avec une progression, une première année qui est plus plutôt dans l'observation, j'appelle ça l'attention au monde. Donc, observation, contemplation de ce qui nous environne. Puis ensuite de ça, bon, il y aura une progression pour que ça se termine à la 3e édition avec une espèce de vue sur les mondes possibles, les utopies, et donc une progression pour aller vers, pour se projeter dans le futur finalement. Mais c'est quand même intéressant justement cette idée-là que tu amènes d'explorer justement, de pas être coincé avec une thématique une année, mais de l'explorer à fond puis d'y aller une sorte de crescendo en quelque sorte. Oui, c'est ça. Puis prendre le temps. On est toujours pressé à... Bon, j'avais vraiment envie de le déployer, là, mm-hmm. que ça prenne, qu'on puisse voir plusieurs facettes, parce que le réenchantement du monde, c'est très large. Il y a plusieurs manières de l'aborder, de le regarder. Puis... c'est ça, je le voyais vraiment comme un axe pour aborder les œuvres d'art, puis on va retrouver des œuvres de toutes sortes d'acabites. Donc, vraiment, voilà, c'est ça. Mais c'est sûr que pour choisir les œuvres, je vais aller on sait dans quel bassin je vais piger. Donc, on est dans les arts multi, les arts médiatiques, les arts numériques. Puis, c'est à travers ça que je vais réfléchir au possible réenchantement de notre monde, finalement. Oui, c'est tout aussi d'actualité. En même temps, c'est quand même intéressant parce que, bon, avec les événements des derniers mois, bon, on pense aux attentats de Paris et tout, disons que c'est un peu... disons que c'est d'actualité. C'est d'actualité, mais à l'inverse de ces événements sombres-là, fait que ça fait du bien aussi d'avoir, parce qu'on a eu aussi des événements, des fois, par les dernières années, ben, peut-être pas nécessairement le Mois Multi, mais, je veux dire, d'autres événements thématiques comme ça, importants, où on était dans des thématiques très, très lourdes. Je pense à la Biennale de Venise, par exemple, trompe, ou bien même la manif d'art aussi, tu sais, qu'on a été dans l'accident, la résistance et tout. Donc, on était beaucoup dans des thématiques très intéressantes, mais plutôt parfois un peu difficiles ou, qui est à l'inverse de ce que tu nous proposes. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené à vouloir aller vers cette direction-là. Ben, c'était une approche, c'était assez personnel, je dirais, mais c'est quand j'ai su que c'est moi qui avais le mandat au mois de mai, je me dis bon, moi j'ai envie que ces œuvres-là soient aussi le reflet un peu pas de l'actualité au sens où on veut documenter l'actualité ou en faire un simple état des lieux, mais je trouve tellement que la réalité quotidienne est dure, puis elle peut être parfois très angoissante quand on pense au changement climatique, aux questions de la condition des êtres humains sur la planète, à tout ce que l'avenir. Quand je regarde vers le futur, je trouve ça assez sombre, puis pas. Ça me donne. J'ai de la misère à me projeter puis à voir où est-ce qu'on va être. Est-ce que ça va être. Est-ce qu'on va être bien? Comment? Oui. En tout cas, c'est pas le bon terme, mais j'avais envie de donner de la lumière à ça. Puis je trouvais que les artistes puis leurs propositions artistiques, ils amènent un éclairage nouveau sur le monde actuel. C'est pas toujours un éclairage de lumineux ou c'est pas dans le sens qu'il faut nier la réalité, mais d'amener ce regard plus peut-être poétique, souvent proche de l'humain, ramener ça à une certaine sensibilité. Fait que je dis souvent que c'est des œuvres qui vont être investies de ressentis. Donc, d'aller vraiment vers des propositions qui sont ancrées dans nos réalités, mais qui amènent un regard différent sur c'est ça, l'environnement. Là, je donne un petit scoop, mais il y a trois œuvres qui tournent autour de l'idée de la migration, les oiseaux, les papillons, les insectes et tout ça, puis des conditions écologiques, un regard sur le... C'est vraiment un regard sur le monde pour amener une lumière nouvelle, puis je disais une candeur lucide dans l'idée de pas être dans l'aveuglement, au contraire, prendre conscience de ce qui est là, mais aussi de le regarder avec de la lumière, puis pas seulement un regard sombre, justement, là, pour amener, pour proposer autre chose, un contrepoint, justement, à tout ce qui se passe. J'étais en prospection à Paris deux jours après l'avènement des attentats, puis j'étais à Bruxelles quand il y avait les mesures de sécurité. Extrême, puis dans le fond, je me disais, je cherchais des œuvres sur le réenchantement qui pourraient répondre, faire écho à cette exploration-là, puis je me disais, mais là, ça, c'était tellement paradoxal comme situation, puis en même temps, c'est ça, je me disais, c'est encore, ça me montrait à quel point c'était nécessaire d'aller dans cette, que j'étais heureuse de mon choix, dans le fond, d'aller dans cette exploration-là. Oui, puis je trouve des fois aussi dans notre quotidien, quand on est avec le rythme effréné de la vie et tout, on porte pas non plus attention aux petites choses de la vie, à la poésie de la vie qui peut être aussi banale qu'un coucher de soleil ou des nuages ou des choses comme ça. Je veux dire, la vie est tellement belle, mais des fois, on la voit pas passer, on s'attarde pas à ça. Puis je pense que des œuvres aussi comme ça nous amènent à prendre compte de la simplicité des choses et de la poésie du monde qui nous entoure. Mais c'est un peu autour de j'irais peut-être pas dans... C'est pas dans l'idée nécessairement des couchers de soleil et tout ça. Non, un exemple. Non, mais c'est tout à fait correct, sauf que j'ai vraiment dans l'idée d'observer puis de porter attention, d'être présent à ce qui nous entoure. Puis les œuvres au programme cette année sont vraiment toutes beaucoup dans la lenteur, la contemplation, puis amènent cette présence au monde, là. Fait que de toutes sortes de manières puis d'axes différents. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de proposer pour la première mouture du cycle sur le réenchantement du monde. Parfait. Ben, on va justement prendre une courte pause audio et puis au retour, on s'intéressera justement aux spectacles que tu as programmés et qui vont être présentés justement pendant l'événement. Donc, on s'en va écouter l'extrait donc de 73 Corruptible. Thank you. Alors, je suis toujours en compagnie de Ariane Plante et on va s'intéresser aux 5 spectacles qui ont été annoncés le 1er décembre dernier. Donc, 5 spectacles, dont le premier qui va être en ouverture avec, si on peut dire, une figure emblématique de qui va être la figure emblématique, si on peut dire Kikuna, oui. Dans le fond. Hein. C'est ça. En fait, on a appelé ça un prélude, au moins, oui. Parce que l'ouverture officielle est le 3 février, puis le voyage d'hiver de Kikuna est présenté le 29 et 30 février. C'est une première incursion, tant pour le Momuti que pour Kikuna. Donc, pour le Momuti, première incursion dans l'univers de la chanson, de la musique, qu'on pourrait dire plus populaire. Mais là, je mets un gros guillemet. Mais c'est ça. Donc, c'est un spectacle musical qui est pas dans les conventions qu'on est habitué de voir. L'artiste, il est pas seul sur scène. Il y a toute une scénographie. C'est très théâtralisé. Il y a une danseuse. Il y a 10 musiciens avec lui. Scénographie, éclairage. Donc, on est vraiment proche de l'approche multidisciplinaire. C'est-à-dire que c'est la rencontre de plusieurs disciplines pour former un objet scénique, dans ce cas-ci, qui est nouveau, réinventé. Oui, on est dans la chanson, mais bon. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a voulu l'amener sur le territoire du Momuti. Mm-hmm. Puis, le voyage d'hiver, c'est quand même un spectacle assez sombre. Puis, il y a des gens qui disaient, mais le réenchantement, le voyage d'hiver, mais en fait, avec le réenchantement, il y a nécessairement le désenchantement. Mm-hmm. Donc, ce spectacle-là, pour moi, il fait vraiment le pont entre l'ombre puis la lumière, justement. Il fait cette espèce de... C'est un spectacle qui parle de la mort, de l'hiver, de la solitude, qui un peu d'un monde sans issue. Mais c'est à ça, justement, que le Momuti répond, en quelque sorte. Mais il fait d'une manière tellement lumineuse, Kikuna, dans le rendu scénique, qu'on n'est pas dans le désenchantement, dans cette manière artistique de parler de quelque chose de sombre et de grave. Donc, je trouvais que c'était vraiment un aspect intéressant du spectacle. Tout à fait pertinent pour commencer, puis après ça, donner le ton par la suite, la réponse. Oui, absolument, c'est ça. C'est un peu comme ça que je le voyais. Okay. Et puis aussi, je pense qu'il va vous lui proposer une expérience particulière aussi, parce qu'il va faire une performance inédite dans les installations qui vont suivre. Exactement. On voulait l'inviter. On s'est dit, bon, on va pas juste mettre le spectacle Voyage d'hiver, cette figure-là qui vient d'un autre univers que le nôtre, on avait envie de l'inviter, puis on a dit, bon, invité d'honneur, puis cette invitation-là est associée au... Il va être en résidence pendant le festival, donc c'est une nouvelle forme de résidence, si on veut, qu'on a instaurée. Il va être en résidence pendant le festival, il va s'imprégner des œuvres au programme, que ce soit les spectacles ou les installations, puis il va proposer une performance, c'est ça, comme tu disais, inédite, à l'intérieur, dans le contexte des installations. Donc, le 20 février, dans la salle multi, il y aura 2 autres installations. Puis lui, il va faire un spectacle qui va avoir lieu probablement juste une fois, donc à l'intérieur de ces 2 installations-là. Donc, il va falloir être là ultimement pour y assister. Pour rencontrer sa poésie, comment il résonne avec les œuvres multi. On avait vraiment envie qu'il vienne sur le territoire multidisciplinaire, numérique, puis qu'il s'imprègne de cet esprit-là. Puis de voir comment la rencontre de son univers avec le nôtre, quel fruit ça pouvait donner. C'est ça, okay. Peut-être que ça aura des répercussions par la suite, qui sait, dans son cheminement. Oui. Donc, et par la suite, un autre spectacle, Gloria, de Mikhail Bielinski, c'est ça? Oui, Mikhail Bielinski. semble-t-il. OK, excusez. Non, il n'y a aucun problème. Je me suis accrochée beaucoup à la conférence de presse sur son nom, malheureusement. Mais c'est une merveilleuse artiste qui a une voix splendide, un timbre très chaud. Elle a une des capacités vocales magnifiques. Alors, elle est souveraine au centre de 3 écrans placés à 360 degrés. Le public est assis au cœur de ces écrans-là, assis au sol. Puis elle est debout au cœur du public et puis elle chante. Donc, elle chante. Puis sur les écrans sont projetées des images vidéo, un mélange de paysages, de panoramiques et d'images de synthèse qu'on pourrait associer plus à une esthétique du VJing. Mm-hmm. Mais donc, elle livre, c'est ça, son chant. C'est un chant inspiré du répertoire classique liturgique ancien et de la musique. Elle a une petite machine à boucle, donc elle finit par créer une polyphonie avec sa seule et unique voix. C'est vraiment envoûtant. Puis elle a fait vraiment une réflexion autour du sacré, les écrans. Elle les décrivait comme une cathédrale, un peu l'effet de grandeur que ça pouvait faire. Mais c'est pas un spectacle sur le côté religieux du sacré, mais sur l'essence du sacré. Donc revenir à ça pour se réapproprier cette expérience-là. Mais ça fait vraiment, moi, quand j'ai écouté ce spectacle-là, c'était vraiment un état de grâce. Donc, c'est un envoûtement. C'est magnifique. J'étais un coup de cœur, là. C'était tout de suite emballant de l'inviter au moment. Tu sais, c'est sa première visite ici au festival. Donc, on est très contents de l'accueillir. Elle est de Montréal. Oui, puis c'est ce qui était intéressant, il faut le dire aux auditeurs qui peut-être ne serait jamais allé au Mois Multi, c'est avec ces spectacles-là vraiment des expériences souvent immersives, oui, qui nous sont proposées, puis qui ne demandent pas nécessairement de grandes connaissances, mais juste de vivre cette expérience-là, puis d'être happé par cette expérience. C'est vraiment, tu le décris très bien, l'idée de l'expérience puis l'immersion. Ça caractérise beaucoup des œuvres qu'on présente, c'est vrai. Oui. Par la suite, on a un artiste du Royaume-Uni qui nous présente un spectacle Blind Cinema, donc Britt Attius. Oui. Alors, on présente ce spectacle-là en collaboration avec Spira. On va travailler avec deux groupes d'enfants. C'est vraiment une expérience. Puis c'est une expérience humaine, cinématographique et humaine à la fois. C'est-à-dire que le public a les yeux bandés. Puis derrière chaque rangée de spectateurs, il y a une rangée d'enfants. Et les enfants sont dotés d'une sorte de porte-voix faite exprès, designée pour le projet. Et les enfants voient un film à l'écran pour la première fois, un film sans dialogue, il y a une trame sonore, et décrivent les images qui se déroulent à l'écran aux spectateurs assis devant eux. Donc, les spectateurs ne verront jamais le film. Le seul film qu'ils vont voir, c'est par le biais de leur imaginaire et de l'imaginaire des enfants. Donc, des images que les enfants vont réussir à faire advenir dans leur esprit. C'est vraiment une expérience intime où le chuchotement des voix d'enfants dans l'oreille des spectateurs, ça dure 25 minutes, mais je pense que c'est vraiment une expérience très particulière qu'à peu près juste au Mois Multi où on pouvait présenter une espèce d'objet. Une espèce d'hybride comme ça. Oui, vraiment, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est vraiment une rencontre de l'univers cinématographique avec les enfants. Donc, c'est vraiment à voir. Sinon, on a aussi un spectacle pour toute la famille aussi, donc de Marcel Hudon et Maxime Rioux de Montréal. Oui, c'est un théâtre d'ombre et de lumière. Dans le fond, un théâtre sonore. C'est des petites marionnettes miniatures, des automates qui sont activés par des basses fréquences qu'on n'entend pas. Donc, les artistes font une performance sonore qui envoient dans les haut-parleurs puis qui animent les marionnettes qui sont finalement qui prennent vie, puis avec un système d'éclairage, il y a des ombres qui se projettent sur les murs. Donc c'est très beau, c'est sans parole, mais les marionnettes, ils ont chacun un petit instrument percussif, donc en s'animant, ils produisent de la musique. Et ça aussi, c'est immersif, on est partout autour des marionnettes. Donc, on dit ici à partir de 5 ans, alors, puis je vois qu'il y a plusieurs dates de journée, là, oui, des heures là, de présentation, 11h et 16h, le 13 et le 14 février, fait que ça vaut quand même la peine de se déplacer avec vraiment, la famille. Vraiment, ça peut plaire tant aux parents qu'aux enfants, qu'aux adultes, voilà. Super. Et puis, on a un dernier spectacle, donc, de l'Américain Zachary Oberzan. Mm-hmm. Tell Me Love Is Real. Oui, ça, c'est un objet scénique un peu déroutant, mais je suis vraiment très heureuse qu'on le présente. On le présente en collaboration avec Temps d'Image à Montréal. Okay. Zachary Oberzan, c'est un artiste, il fait du théâtre, de la musique, il chante, il fait des films amateurs. C'est un fan de cinéma puis de culture populaire. Puis dans le fond, il fait une espèce de collage de films, de vidéos, de lui qui joue qui joue de la musique à la guitare, des chansons, tout ça pour raconter une histoire assez tragique, mais pour parler du pouvoir de l'amour. Donc, c'est une œuvre encore là, c'est ça, en théâtralité, musique, cinéma, il repique des vieux films de Bruce Lee, il ranime des extraits d'émissions avec Whitney Houston, il y a toutes sortes de fantômes, de vedettes qui viennent nous visiter pour appuyer toute son histoire. Donc, c'est vraiment très touchant, une approche très sincère, vraiment humaine, dans le fond, pour parler, c'est ça, du pouvoir de l'amour. Ah ben super, en tout cas ça nous met vraiment en haleine pour cette édition, donc comme tu le disais tout à l'heure, qui commence le 3 février, oui. Qui va se terminer à la fin le 27 février. Puis on a une édition vraiment plus remplie cette année. Je dirais que le festival connaît une certaine expansion sur le plan de sa programmation, mm-hmm. Du moins il y a beaucoup de projets, plus que dans les dernières années, donc on est vraiment heureux de ça. Il y aura toutes sortes d'expériences à découvrir là, justement, entre le 3 et le 27 février. Super. Et puis, le reste de la programmation sera annoncé au mois de janvier, je pense autour de la mi-janvier. Là, oui, le 14 janvier, on va annoncer l'ensemble de cette belle programmation bien consistante. Parfait. Et peut-être rappeler aux auditeurs que c'est possible de se procurer les billets déjà pour les spectacles qu'on vient tout juste de parler. C'est sur lepointdevente.com. Donc, hein, cadeau de Noël à tous. Si vous voulez faire vraiment un cadeau original, que les personnes vont vivre, comme on le disait, une expérience unique et authentique, ben voilà, je pense que c'est un cadeau à offrir ou du même peut-être à s'offrir soi-même aussi. Oui, pour rencontrer des formes d'art inusitées. Alors oui, tout à fait. Ben Ariane Plante, je remercie beaucoup d'être venue nous parler et d'avoir pris le temps de nous présenter chacun de ces spectacles-là. On aura certainement l'occasion de se reparler un peu plus tard, justement, lors de la présentation de l'événement. Merci. Merci. Donc nous, on fait une courte pause et on vous revient pour la deuxième moitié de l'émission. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix aux émissions hors du commun. Les Geeks contre-attaquent avec Simon Boucher, Éric Lajoie et Michel Gauthier les samedis à 14h. Topic du Capricorne avec Michel Bonaparte les dimanches à 16h. CKRL 89.1. Nous sommes de retour à cette deuxième moitié d'émission et j'ai le plaisir d'accueillir une de nos chroniqueuses, Annie Charlantie-Baudeau. Allô. Allô, ça va bien? Hein? Oui, ça va bien, merci. Oui, alors, tu es allée voir l'exposition de Karine Giboulot au Musée de la civilisation. Oui, exactement. Une petite exposition qui s'intitule « Cité bidon ». Oui. Et j'étais toujours curieuse parce que depuis quelque temps, le musée, justement, semble inviter de plus en plus des artistes en art visuel. Oui, exactement. Mais pour traiter de sujets, on ne va pas là pour nécessairement avoir une expo en art visuel, mais traiter d'un sujet en particulier. Oui, exactement. Puis Karine Giboulot a quelques préoccupations en fait à cœur. Puis en fait, cette exposition-là, c'est une belle suite là, des préoccupations qu'on connaît de son travail. Pour ceux qui la connaissent peut-être un petit peu moins, dans la dernière décennie, elle a porté vraiment un travail multidisciplinaire. Donc, tant des œuvres sur papier que peinture et sculpture, mais c'est vraiment ces dioramas qui lui ont valu le plus d'attention. Donc, elle articule des petits mondes, des environnements détaillés et sensibles qui questionnent différentes réalités sociales. Donc, un peu aussi ce que tu amènes qui semble être dans le mandat du musée dernièrement. Bien sûr. Et donc, elle traite vraiment de multiplication des bidonvilles, d'industrialisation et d'hyperconsommation assez fréquemment. Son travail jouit d'une belle reconnaissance et c'est la première fois qu'on l'accueille ici dans la ville de Québec. Oui, c'est quand même intéressant. Moi, j'avais eu l'occasion de la voir à Montréal. Justement, c'est diorama. Oui. Moi, j'en ai vu un ou deux, là, je pense, à Montréal. Puis j'avais trouvé ça intéressant. Puis c'est justement ce qu'on va retrouver, notamment oui, exactement, dans cette exposition-là. Puis, en fait, c'est une artiste qui voyage beaucoup. pour approfondir sa démarche, ses recherches. Donc, dans les dernières années, elle est passée du Kenya à l'Inde, elle est allée en Chine, à Haïti également, puis elle nourrit vraiment ses œuvres des rencontres qu'elle fait à l'étranger, puis des réalités qu'elle visite de l'intérieur. Dans l'exposition Cité Bidon, en fait, toute la portion droite de la salle, ça nous dévoile deux installations qui sont groupées sous le nom de Village Démocratie, donc qui est le véritable nom d'un bidonville en périphérie de Port-au-Prince. Ouais, elle l'avait visité, je pense, en 2009. Exactement, 2009. Tes dates sont bonnes. Ben, c'est parce que je suis allée voir sur son site web, j'invite les auditeurs à aller jeter un petit coup d'œil parce que c'est assez intéressant parce qu'on voit vraiment les photos de son expédition là-bas, de sa résidence. D'endroits qu'elle a visité, exactement, puis de gens aussi qu'elle a rencontrés là-bas. Puis ça nous aide parce qu'on peut faire des bons parallèles là, vraiment avec son travail. Donc, en fait, dans cette portion-là, dans ces installations-là, on voit des dioramas de quotidien qui sont surplombés par des tours de miroirs. Les dioramas, eux, sont comme des îlots un peu surélevés dans l'espace, qui sont portés par des assemblages rudimentaires de branches ficelées, où là, on voit des miniatures où elle dépeint la réalité de Village Démocratie avec beaucoup de détails et de minutie. Donc, on voit des moments de quotidien, des familles groupées sous des constructions précaires, des petits commerces. Puis, à travers ces îlots-là, ben là, elle vient construire des grandes tours de miroirs qui s'élèvent dans l'espace, qui chevauchent le quotidien de Village Démocratie. Puis dans les tours, là, se dévoilent plutôt des scènes de consommation et de luxe dont les habitants du village ne peuvent pas vraiment profiter. Donc, c'est vraiment fidèle à ces thèmes de prédilection. Là, elle nous image vraiment les inégalités de développement entre le Nord et le Sud avec un visuel assez codé. Donc, elle représente les gens du Nord par des marmottes qui profitent aisément des aires de divertissement qui sont bâties à même les tours de miroir. Puis, le seul moment où les marmottes et les habitants du village sont en réel contact, c'est quand les marmottes se font servir lorsqu'ils utilisent les aires de divertissement dans les tours. Sans quoi, ils sont pas vraiment en contact. Les marmottes descendent pas dans le village. Okay. On voit même dans une partie de l'installation, on a un téléphérique qui relie les grandes tours de miroir. Puis là, les gens du Nord photographient le village de leur siège, mais ils descendent jamais, puis ils posent jamais pied. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces tours-là, elles s'élèvent dans l'espace jusqu'à la hauteur des yeux des visiteurs. Donc, c'est un outil que l'artiste utilise, évidemment, pour nous renvoyer notre image, puis questionner notre propre façon assez détachée de consommer. Puis aussi, c'est que les miroirs sont assez attirants dans le lieu d'exposition. Donc, on se trouve beaucoup à les regarder, puis parfois même à regarder les scènes de quotidien par leurs reflets plutôt qu'à les regarder directement. Oui. Donc, en ce sens-là, c'est un choix assez judicieux de l'artiste, à mon avis. Puis j'imagine aussi que le visiteur est reflété dans cette installation-là. Donc, vient en quelque sorte à faire partie de l'installation. À faire partie, puis à se confronter justement à ses propres choix. Puis... C'est vraiment un élément qui se retrouve à plusieurs endroits, en fait, de l'installation. Puis quand on continue, en fait, notre parcours dans la portion gauche, là, on a une installation qui s'articule sous le nom de City of Dreams, le rêve d'une vie meilleure. Donc là, on soulève plutôt l'exode rural chez les pays en voie de développement. L'installation, elle, prend la forme un peu d'une pyramide où on a deux éléments au sol qui culminent en un centre plus élevé. Puis je sais qu'aussi à l'entrée, je me rappelle avoir lu là des statistiques notamment là, sur l'urbanisation, l'exode rural, qu'on disait là qu'au début de l'ère de l'industrialisation, ça a augmenté de plus en plus là cet exode rural là, l'urbanisation, exactement. Mais qu'aujourd'hui ça représenterait quoi 50% des gens qui sont en ville à peu près. Ouais, non, c'est assez intéressant de se pencher sur ces problématiques là. Puis en fait, c'est encore une fois là par des choix très des codes assez forts là qu'elle arrive à nous faire prendre conscience de ça. On a au sol en fait une représentation agricole, en fait un petit terrain déserté qui lui est relié par une route qui s'élève puis qui culmine en une tentative de tour de miroir, mais qui est une construction bien moins complexe que celle qui surplombe Village Démocratie. Puis dans cette tour-là, ben on a quelques habitants qui semblent avoir une meilleure qualité de vie, mais le miroir, toutefois, n'est pas bien poli. Donc là, on nous renvoie pas un reflet très, très précis de notre réalité. Donc on sent que c'est une tentative plutôt qu'une imitation réussie. Puis cette tour-là, eh bien, elle descend vers un prisme rectangulaire où là, on a une accumulation de conteneurs à déchets. Des conteneurs en métal où les gens vivent à même des amas de déchets de plastique qui se doivent de trier. Donc, ils vivent vraiment à même leur lieu de travail néfaste. Mm-hmm. Si bien que l'environnement au complet en souffre. Les seuls arbres qu'on y trouve, les seuls animaux, sont aux couleurs vives et saturées du plastique à trier. OK. Donc, puis cette accumulation-là, elle se termine par un élément au sol, une route descendante, en fait, qui nous amène à cet élément-là, qui est un bloc dense de déchets de plastique. Puis le bloc, lui, est façonné puis démantelé un peu comme une mine à ciel ouvert. Mm-hmm. Donc, on se rend compte que l'ascension vers le rêve d'une vie meilleure, ben finalement, ça nous ramène à un retour au travail de la terre qui est là remplacé plutôt par des ordures à trier. C'est ça. Puis ça aussi, tout ce visuel-là des blocs de plastique, le tri de plastique également, ça aussi s'est inspiré d'un voyage qu'elle avait fait dans le bidonville de Dharavi en 2013 en Inde. Oui, on peut voir des photos d'ailleurs aussi de ce voyage-là. C'est quand même le fun de faire les parallèles aussi. Oui, c'est ça. On fait des beaux liens. Puis c'est là aussi, je trouve, la force du travail, en fait, de Karine Giboulot. C'est que c'est un travail qui est critique, qui soulève des inégalités, des problématiques. Mais c'est des éléments qu'elle a visités puis vécu de l'intérieur. Donc, c'est vraiment un travail honnête qui pousse à la prise de conscience, à la prise de position, plutôt qu'à une moralisation simple, en fait. Oui. Il y a quand même un peu d'humour, je pense, aussi, au travers de tout ça. Là, c'est pas juste... c'est sérieux, mais quand même, on peut sourire ou rigoler là, à certains moments. Non, c'est ça. Puis ça, par le fait que ce soit codé, puis que ce soit rempli de symboles, que ça soit facile à lire, ben là, c'est accessible aussi. C'est un travail qui a une grande portée. Si bien que dans la salle d'exposition, en fait, au musée, entre les deux hémisphères, on a une portion atelier pour la famille, où là, elle a construit en fait une ville, en fait seulement des bâtiments et des routes, puis on est invité à les peupler avec des petits personnages de pâte à modeler. Ah, intéressant. Donc, on participe à tout ça aussi. Bon, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été voir ça. Puis, je pense qu'on va avoir l'occasion d'y aller pendant le temps des fêtes parce que ça se termine pas très longtemps après. C'est jusqu'au 10 janvier. Donc, vous avez le temps amplement d'aller faire un petit tour. Bien, je te remercie beaucoup, Annie, d'avoir été la voir pour nous. Au plaisir de te revoir. Merci. Donc, on fait une petite pause audio. On s'en va écouter l'extrait « Crafting ». Je suis en compagnie de Andréanne Lesage. Bonsoir, Andréanne. Bonsoir, Audrey. Alors, tu es allée, à vrai dire, expérimenter cette œuvre d'art public qui a été installée tout récemment, donc au cours du, on va dire qu'on a officiellement, si on peut dire, ou officieusement inauguré donc au mois de novembre, les attracteurs de André Dubois. Mais il y a toute une histoire derrière cette œuvre d'art publique-là que la ville, à vrai dire, de Québec avait commandé ou du moins ouvert un concours, si on peut dire, d'art public. Peut-être pour nos auditeurs, expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. Peut-être même les auditeurs en ont déjà entendu parler de ce projet-là. Oui, tout à fait. Ben effectivement, c'est un projet qui a mis un certain temps à se concrétiser. L'artiste, le concepteur André Dubois et la firme d'architectes Côté, Lay et Cardas, en fait, ils ont gagné le concours d'architecture art et design Saint-Roch Technoculture en 2011. Donc l'installation de l'œuvre là, s'est fait justement à partir du mois de septembre et s'est terminée à la mi-novembre de cette année. Donc un délai de 4 ans environ, voilà. Je me rappelle très bien à l'époque du titre du journal Saint-Roch fou, disait Régis Labeaume en couverture. Je me souviens plus trop si c'était du Soleil ou du Journal de Québec, mais enfin on voulait un quartier Saint-Roch qui soit marqué du sceau technoculture, donc technologie et culture qui sont des points marquants dans ce quartier-là. Tout à fait, ben avec les édifices comme Bombinox, tout ça, c'est un lieu qui est quand même assez c'est ça, à jour au niveau de la technologie, méduse, voilà, de la culture aussi. Donc effectivement, c'est très logique d'avoir voulu donner une signature technoculture au quartier Saint-Roch. Maintenant, ce qui est un peu dommage justement avec ce projet-là, comme tu l'as un peu mentionné, bon, il n'y a pas eu de lancement officiel à l'œuvre, qui pourtant, si on se fie en fait à ce qui est écrit là depuis que c'est annoncé comme projet, Josiane Desloges disait en 2012 dans un article que c'est le projet d'art urbain le plus audacieux jamais envisagé par la ville de Québec. En 2014, André Dubois, l'artiste qui est donc derrière ce projet-là, disait que c'est vraiment un concept éclaté, assez unique au monde. Donc on l'a un peu disons pas assez peut-être célébré. Du moins pour l'instant, là, puisque ça vient tout juste d'être installé aussi, il faut se donner le temps de l'apprivoiser. Mais donc, c'est une œuvre qui vise finalement à marquer vraiment le territoire de Saint-Roch. Donc, c'est une œuvre qui se déploie dans l'espace. C'est un groupe, plusieurs groupes finalement de sculptures en bronze. Mm-hmm. Il y en a 36 en tout, ce qui est aussi, faut le dire, moins que ce qui était prévu au départ par, les gagnants là, du concours. Donc, au départ, il devait y avoir 43 sculptures. Finalement, il y en a 36. Même, je pense, au tout début, on parlait de 50 sculptures. Ouais. Tout à fait. Oui, c'est ça. Je pense que c'est l'année suivante que ça avait déjà baissé à 43. Et bon, comme ça, avec les retards, l'augmentation des frais par rapport aux matériaux. Oui, qui ont augmenté beaucoup. Bon, là, c'est en bronze, d'ailleurs, ces sculptures-là. Donc, tout ça a fait en sorte qu'ils ont dû revoir un peu le projet, finalement. Aussi, au niveau du côté technique, parce que c'est des œuvres interactives, donc c'est des sculptures qui vont s'illuminer et aussi produire des sons à l'approche des passants. Donc, c'est des œuvres, justement, qui sont pas inertes, là. Il y a comme... C'est ça, il y en a une partie, hein. C'est pas les 36, il faut le dire, qui s'animent lorsqu'on s'approche d'elles ou qu'on les touches? Non, il y en a 17 sur les 36 qui sont justement avec ces mécanismes-là de son et lumière. C'est des mécanismes pour les avoir testés justement qui sont déclenchés seulement quand on passe très, très près. C'est assez discret. C'est ce qui était voulu aussi. Il n'était pas question d'avoir des bruits ou de la lumière, que le tout soit agressant. Au contraire, on voulait que ça soit un peu curieux aussi. C'est un peu dans le concept de départ de ce projet-là qui était de créer des œuvres intrigantes que les gens justement auraient envie de passer proche. Bon, attracteur, c'est un peu ça, le nom le dit, attirer les gens et créer une espèce de connivence avec les passants aussi, parce que justement quand on s'en approche, bien là tout d'un coup c'est comme si elle s'expose en entier à nous en réagissant justement à la présence là des gens. Donc c'est un peu l'objectif et le la réalisation aussi de ce projet-là, faut dire, c'est pas pour rien que ça a pris 2 mois à installer ces sculptures-là. C'était très complexe au niveau de l'installation de dispositifs son-lumière qui sont... L'électricité aussi qui n'était pas présente. Non, c'est ça, parce que les œuvres sont déployées donc en 3 endroits, place de l'université, parc Saint-Roch et sur le parvis de l'église Saint-Roch aussi. C'est des lieux qui ont été choisis, évidemment, parce que c'est des endroits publics, c'est des centres importants du quartier. Et il y a aussi tout le côté, en fait, de jardin que voulait exploiter André Dubois. C'est comme si l'œuvre prenait vie dans le jardin Saint-Roch et ensuite vraiment se répandait dans le quartier autour. Et d'ailleurs, ces œuvres-là ont une apparence de branches et quelque chose de très, très organique dedans, même si elles produisent son lumière puis qu'elles sont en bronze. Là, ça se confond bien dans l'environnement. C'était un autre mandat, d'ailleurs, qu'avaient les concepteurs, faire une œuvre qui puisse bien vivre dans le quartier, mais aussi au contact. Il y a déjà d'autres œuvres dans le oui, quartier. Dans cet espace-là, oui. Voilà, donc il ne fallait pas que ça nuise à l'une ou l'autre. Alors ça, c'était quand même un beau défi aussi. Là. Puis je pense aussi que chacune, bien qu'elle se ressemble au premier coup d'œil, a quelque chose d'unique, que ce soit dans la forme ou dans la couleur aussi, je pense. Ce que j'ai pu constater, c'est que au final, les couleurs qui étaient annoncées effectivement dans le projet au départ semblent pas avoir été retenues pour le projet final. M'ont semblé du moins toutes la même couleur, un brun foncé, bronze justement, qui ajoute un peu à cet aspect de branche. Par contre, effectivement, même si elles sont faites après des moules, dans l'installation, on a choisi des angles différents, des inclinaisons différentes, ce qui fait qu'il n'y a pas une branche, si vous voulez, une partie de sculpture qui est tout à fait pareille. Mais en même temps, elles sont toutes jumelles, là, si vous voulez. Là. Oui. Et puis, comment tu l'as expérimenté, même en plus aujourd'hui, avec la belle neige qui est tombée? Comment as-tu vécu ça? Parce que ça avait été mentionné, justement, dans les espèces de retard, délai. On s'inquiétait de la possibilité de ces structures-là à pouvoir résister à l'hiver, notamment. Oui, ça a été testé durant plusieurs hivers. Un prototype avait été mis dans un parc industriel en 2011-2012 pour justement tester tout le côté aussi technologique. Le système à l'intérieur pouvait fonctionner malgré le froid. Ça fonctionne bien, même qu'aujourd'hui, justement, les sculptures étaient en partie recouvertes de neige et de glace. Oui. Je soupçonne d'ailleurs que certaines n'ont pas été déclenchées à cause de ça, surtout celle du parvis Saint-Roch. Mais pour les autres, j'ai entendu quand même le son, la lumière a été déclenchée aussi. On dirait que le temps de réaction de chaque sculpture est différent. J'ai pas trouvé l'information si c'était volontaire dans la programmation ou pas. C'est aussi, comme je le mentionnais tout à l'heure, des œuvres qui sont déclenchées seulement quand on passe assez près. Et parfois, on est un peu timide, surtout quand il s'agit d'œuvres d'art, on se fait dire de pas toucher. Donc là, tu sais, faut pas poser, c'est ça. Faut pas être gêné du tout de s'approcher, de toucher même. Là, avec la neige et tout, c'est peut-être un petit désagrément l'hiver. À part celle du parvis, ils sont pas toutes très accessible quand il va y avoir plus de neige. Peut-être au milieu du parc Saint-Roch pendant l'hiver, on verra comment tout ça va vivre aussi, parce qu'on c'est tout nouveau en même temps. On va peut-être ajuster le tir aussi. Tout à fait. Mais dans le fond, moi, je vais inviter les gens. On va mettre sur notre page de l'émission, autant Facebook que web, il y a un article de Patricia Cloutier tout récent, là, qui date du 15 novembre dernier, qui va nous permettre de voir aussi un petit vidéo, comment la chose s'active, puis enfin, peut-être donner une image à ce qu'on peut difficilement vous montrer à la radio, mais quand même, on vous invite à aller expérimenter. Ça aussi, profitez-en pendant le temps des fêtes pour aller voir ça de plus près. Tout à fait, puis c'est des œuvres qui gagnent vraiment à... Le son et la lumière bonifient les œuvres, vraiment. J'ai trouvé que c'était bien fait, c'était esthétiquement très joli, la lumière qui se dégage de ça. Les sons, c'est amusant parce que c'est tous des sons différents qui sont produits. Il y en a une qui sonnait un peu R2-D2, une autre que c'était plutôt des sons de gong ou quelque chose comme ça. Donc, c'est assez intéressant justement de les vivre, ces œuvres-là, de vivre avec elles. Ben Andréane, je te remercie beaucoup d'avoir fouillé ce sujet-là et d'avoir été expérimenter cette nouvelle œuvre d'art, Les Attracteurs de André Dubois, donc comme on le disait, qu'on peut retrouver dans Saint-Roch, notamment le Parc Saint-Roch, la Place de l'Université du Québec ainsi que le parvis de l'Église Saint-Roch. Merci beaucoup, Andréane. Ça m'a fait plaisir. Alors, nous, on fait une brève pause musicale, donc vous allez toujours entendre le groupe 73. Alors, comme toujours, on termine l'émission avec un rappel des événements de la semaine. Ce mercredi, au lieu, sur la rue du Pont, va y avoir une soirée de performance qui a été, à vrai dire, mise en place par le collectif Zaoum. Donc, une soirée qui s'intitule « Si chacun est à l'extérieur de soi ». Empathetic Body. Donc, c'est pour marquer, bien sûr, la fin de la programmation du lieu, mais aussi Zaoum, le collectif Zaoum souhaite nous présenter donc quatre artistes dont les pratiques en performance s'articulent autour de ce que nous avons, ce qu'on peut nommer le corps empathique. Donc, on va pouvoir découvrir au cours de cette soirée-là le travail de Jannick Byrne, Alvaro Terrones, Jean-Sébastien Vague et Martine Vial. Donc, cette soirée-là, donc, va se passer mercredi, donc demain soir, à 19h. Donc, on vous invite au lieu. Sinon, c'est la dernière semaine pour voir les expositions donc de Stéphanie Auger, à qui on a parlé la semaine passée, et de Evelyne Potier-Leboeuf, qui exposent toutes les deux à Regard, donc à Lévis. Ça se termine vendredi, alors allez les voir. Sinon, ce dimanche, Michel Terrand à la Chambre Blanche, on avait reçu justement Caroline Mélisée-Normand à ce sujet-là, donc c'était une brève exposition. Ça se termine le 20 décembre, donc dimanche. Et sinon, jusqu'à lundi, la très belle exposition de John Blouin à la bande vidéo qu'on avait pu parler avec Andréane Gagnon un peu plus tôt cet automne. Alors, vraiment, une très, très belle exposition à voir jusqu'à lundi. On vous invite, bien sûr, pour tout savoir, les informations sur ces événements, mais aussi télécharger la balado-diffusion de l'émission. C'est, comme toujours, sur notre page l'aérospatialecrl.wordpress.com. Je remercie mes invités de l'émission, Ariane Plante, bien sûr, et mes collaboratrices, Annie-Charlène Thibodeau, Andréane Lesage. Bien sûr, un grand merci à Simon Roy pour cette sélection audio et, comme toujours, Jacques Gignac, le maître d'œuvre à la mise en onde. Je salue ma comparse de l'émission, Jean-Tiane La France, et je cède le micro à mon collègue Pierre Blais et son émission Situation critique. Je vous rappelle d'être des nôtres la semaine prochaine pour notre spécial de Noël. Donc, avec plusieurs chroniqueurs en studio, on fait le tour de l'année 2015. Donc, à mardi prochain, 17h30. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulezard.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Combattez la morosité de l'hiver et offrez-vous l'expérience du mois multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Dès le 29 janvier, retrouvez Kit Kuna et son éblouissant spectacle Le Voyage d'hiver, la voix ensorcelante de Michael Bielinski dans un concert immersif, une rencontre scénique intimiste avec l'artiste américain Zachary Oberzan et un mystérieux théâtre d'ombre et de lumière pour toute la famille. Tout février, le mois multi propose 25 jours de festivités pour découvrir un programme d'œuvres éclectiques hors du commun. Intrigué? Détails au moismulti.org. Billets en vente sur lepointdevente.com. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. CKRL tient à souligner le 100e anniversaire de naissance d'Édith Piaf. L'émission Univers francophone du 18 décembre, animée par Denis Lelièvre, sera entièrement consacrée à la môme. Sa vie, sa carrière, sa musique. Un grand rendez-vous ce vendredi dès 10h. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter sa physique. Dimanche 20 décembre de 13 à 17h, trois gorgées de brandy promettent d'inonder vos oreilles avec une décoction musicale digne des meilleurs alambics et de vous faire goûter des petits miracles musicaux cuisinés avec savoir-faire par les meilleurs faiseurs de soupe dans toutes les langues et pour toutes les bouches. Claude Brindamour, Denise Leclerc et Sophie Pomerleau vont décapsuler votre esprit avec des libations douteuses et des paroles sans lendemain. Gab Paquette et Steve Normandin participeront à leur manière à ces agapes fraternelles. Dites-nous que vous serez là. Pour le bien-être de votre âme, des dizaines de bons et de mauvais disques seront diffusés. Trois gorgées de brandy, dimanche 20 décembre à 13h à CKRL. Cinéma qui n'était que du... Cinéma qui n'était que du... Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs.